Lucien est puni, deuxième partie. On dirait un film de Lars von Trier. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick the rank is dead. Bonjour et bienvenue dans Transmission, le 17e du nom, le 17e du nom. Monsieur Lucien Alfland, c'est à ma droite et se moque de moi. Comment vas-tu, Lucien ? Ça va très bien, et toi ? Et vous ? Tu n'as pas fait tous tes devoirs, je crois, Lucien. Absolument pas, j'étais un très très mauvais élève. C'est pas grave, heureusement, monsieur Manuelas est là à ma gauche pour lui se rattraper, te rattraper. Salut Olivier. Ça va bien ? D'ailleurs, je n'ai même pas droit, hein, bonjour. Tu seras puni pendant toute la durée de cette émission, Lucien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble, un petit peu faire une revue des films du printemps qui sont déjà sortis depuis un petit temps, mais bon, c'est pas grave. On parlera d'abord de Don't Worry, He Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant, et puis on parlera de The Third Murder de Horikazu Kore-eda. On parlera aussi de L'île aux chiens de Wes Anderson, et on finira malheureusement par une petite rubrique nécrologique, puisque nous allons parler de Isao Takahata. Et de quelques films de lui que peut-être vous ne connaissez pas. En tout cas, on essaiera de parler des films moins connus de Isao Takahata. Et puis, on a eu moins le temps de préparer un petit hommage à Miloš Forman, mais on donnera quelques recommandations sur Miloš Forman en fin d'émission. Mais tout de suite, sans plus attendre, peut-être qu'on va revenir, messieurs, ensemble sur l'événement cinématographique du printemps qui réjouit toujours autant monsieur Manuelas, le Festival de Cannes. Donc Thierry Frémaux a annoncé la sélection du festival il y a maintenant quelques jours, une dizaine de jours. Que pensez-vous de cette sélection et y a-t-il un film que vous attendez tout particulièrement, messieurs ? Bah, au-delà de nouveau la polémique qu'on se paye cette année par rapport à Netflix, on se prive sûrement d'un film de Cuarón et du film de Saunier, potentiellement. Donc voilà, plus le film posthume d'Orson Welles. Donc c'est un peu dommageable, d'autant plus que c'est absolument intenable comme situation et comme positionnement, à mon avis, du Festival de Cannes. Si je dois m'en tenir à la sélection officielle, vu qu'il n'y a pas de film cette année de Nicole Garcia ni de Kechiche, je suis un peu perdu. Donc Et tu dois regretter l'absence du Claire Denis également. C'est ça. Donc je vais me tourner, je pense, une nouvelle fois vers l'Asie, plutôt vers la Corée, avec le nouveau film de Lee Chang-dong, intitulé Burning, qui avait été un peu le fer de lance de l'explosion du cinéma coréen sur la scène internationale à l'époque, avec Peppermint Candy et Oasis en 2000 et 2002. Et donc, le film est présenté comme une lointaine adaptation de l'incendiaire de Faulkner. Il vient de se dévoiler dans une bande-annonce intense et intrigante. Donc voilà. Très bien, Lucien. Moi, je suis toujours curieux de voir cette sélection-ci qui propose plusieurs, je ne sais plus, deux, trois en tout cas, premiers films. Donc de réalisateurs inconnus, donc ça. Il y a un premier film et énormément de réalisateurs qui n'ont jamais été en sélection officielle. En fait. Et qui ont même pas eu trop droit à des bonnes distributions, enfin par chez nous en tout cas, il me semble. Enfin en tout cas des noms qui ne me disent absolument rien. Sinon, moi je suis curieux de voir le second long de Yann Gonzalez, réalisateur français qui avait fait Les Rencontres d'après minuit, totalement imparfait mais assez intriguant, qui donnait envie de voir la suite. Et il s'appelle Un couteau dans le cœur, je crois. Je pense que c'est avec Vanessa Paradis. Et que ça se passe dans le milieu du porno. Porno des années 70. C'est un peu... Il s'est peut-être fait ami avec David Simon. Ok, bon bah moi, c'était déjà mon attente de l'année. Donc le film Ash is the Purest White de Jia Chang-ke est sélectionné en compétition officielle. J'attends aussi pas mal le premier... Enfin, c'est pas un premier film, mais en tout cas un nouveau réalisateur japonais en sélection officielle qui s'appelle Ryusuke Hamaguchi avec un film qui s'appelle Asako 1 et 2. Il y a Pavel Pavlikov qui revient aussi, enfin qui vient pour une première fois en compétition. Moi, j'avais adoré Ida. Son film s'appelle Jima Wojna. Et aussi le film italien de Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé son film précédent qui s'appelait Les Merveilles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était une merveille. Et bien sûr, le meilleur cinéaste de tous les temps, enfin non pas de tous les temps, mais le meilleur cinéaste en activité et bien sûr en sélection parallèle, Mamoru Hosoda avec Mirai, ma petite sœur, qui est cette fois à la quinzaine. Eh bien, je propose, messieurs, qu'on enchaîne tout de suite avec un ancien protégé du Festival de Cannes qui s'est pris une sacrée déculottée avec son dernier film The Sea of Trees, rebaptisé Nos Souvenirs. Ici, nous allons parler de son tout dernier film, celui du pardon, qui s'appelle Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. I don't expect you to understand after you've caused so much pain, but then again, you're not to blame. You're just a human, a victim of the insane. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, c'est donc le nouveau film de Gus Van Sant, le réalisateur de Elephant, Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho. Et donc, c'est l'histoire, ça se passe au début des années 70, c'est l'histoire de John Callahan, qui est incarné par Joaquin Phoenix, qui est un alcoolique, et qui va avoir un accident de voiture, il va devenir handicapé, perdre l'usage de ses jambes et de ses bras, enfin il a juste le bras droit, qui fonctionne encore un peu, puisqu'il va s'employer, alors qu'il est en pleine rédemption de son alcoolisme et qu'il va essayer de se désintoxiquer, il va se trouver une nouvelle vocation qui sera celle du dessin humoristique. Voilà, le pitch est assez simple. Le casting est un peu hype, hein, on est chez Gus Van Sant, donc il y a Jonah Hill, il y a Jack Black et aussi toute une pléiade de rock'n'rollers tels que Kim Gordon de Sonic Youth ou Best Ditto de Gossip. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Quand on a choisi de mettre le Gus Van Sant au programme, j'étais guère enchanté, parce que même si j'ai eu une affection particulière pour son début de carrière, ses premiers films, que ce soit justement Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho ou Prêt à tout, donc c'est des films perfectibles, mais qui je pense étaient vraiment, qui montraient un vrai talent de directeur d'acteur chez Gus Van Sant, hein, se vraiment apporter au personnage. Et puis après, il y a eu ces débuts de carrière, entre guillemets, dans les grands studios, avec ces gros succès qui ont été Will Hunting ou trucs comme À la rencontre de Forrester. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de mal avec son cinéma. Je trouvais de plus en plus démago, vraiment hyper lourd. Et puis après, là où il m'a complètement lâché, c'est sur sa veine pseudo-expérimental ou formaliste, ce qui me fait souvent un peu sourire parce que je trouve que c'est loin d'être un grand formaliste Van Sant qui a commencé avec son remake Plan-Plan et pas très inspiré de Psycho, qui était pour moi une aberration en fait de remake, surtout quand tu arrives 20 ans après De Palma sur le même modèle de relecture hitchcockienne. Et puis après, ça aura été Elephant, qui est un film pour moi hyper problématique, tant dans le fond que dans la forme, dans la manière dont il pille le cinéma d'Alan Clark et le message qui, au final, véhiculé. Ça a été vraiment le divorce pour moi. Et donc, je le redécouvre, Gus Van Sant, 10 ans plus tard, un petit peu, avec ce Don't Worry. Et paradoxalement, c'est pas mal, je trouve. C'est assez proche, justement, de ce qu'il faisait à ses débuts. Je trouve qu'il y a une vraie attention portée au personnage. Le film, alors c'est un truc que vend pas trop la bande-annonce et que t'as pas trop vendu dans ton pitch, c'est que c'est un biopic d'un personnage qui a réellement existé. Et en fait, la bande-annonce te vend beaucoup l'aspect mélo en fauteuil roulant et rédemption d'un alcoolique. Or, le film est vraiment porté par ce point de vue de ce personnage-là qui est un dessinateur humoristique, et ce regard du personnage sur la vie se déploie tout le long du film. Et donc, je trouve qu'il y a en fait cette vision-là désamorce complètement le pathos que tu pourrais avoir, parce que tu regardes constamment le monde à travers les yeux de ce personnage-là, et le film est constamment drôle. Je trouve même le début du film, quand il racontait la journée où il va, entre guillemets, perdre l'usage de ses jambes, t'es dans l'ivresse de ces personnages complètement cons quand ils rencontrent Jack Black, etc. T'es pas du tout dans un côté pathos. Et je trouve justement les rares fois où il essaye de vriller dans du pathos pur et dur, comme la rencontre avec le gars de l'assistante sociale pour retrouver sa mère. Tu sens que Gunn Hansen n'est pas du tout à l'aise. La scène est hyper expédiée dans son déroulement. Et donc voilà, j'ai plutôt été. C'est loin d'être un grand film, mais il y a des trucs qui fonctionnent moins bien, comme l'utilisation au sein de la narration des dessins, je trouve, du véritable dessinateur. Voilà, je préfère un petit film de Gus Van Sant que les grands films de Gus Van Sant qu'on avait vus auparavant. Malgré la vision de son dernier film qui était Nos Souvenirs, sur lequel j'ai cru qu'on l'avait vraiment perdu, mais je veux dire cérébralement perdu. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que dit Manu sur son dernier film. À la différence que moi j'avais un peu plus d'attente par rapport au cinéma de Gus Van Sant que Manu, et du coup j'ai un peu l'impression de voir Gus Van Sant qui fait un film Sundance correct, qui se laisse regarder, qui est pas avec des acteurs qui sont assez bons. Moi j'ai redécouvert aussi Jonah Hill que j'avais pas vu, je trouvais que c'était une facette de cet acteur qu'on avait peut-être jamais vu. On sent que Gus Van Sant complètement amoureux de Joaquin Phoenix et de Rooney Mara, qui a jamais été aussi belle, je pense, dans ce film-là. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord sur le. On sent comme la lourdeur du côté redemption movie, parce que en fait, le film ne va que là. Même la scène d'ouverture ne laisse. Enfin, dès le départ, on voit qu'il n'y a que cette possibilité-là. Donc, on sait exactement où va aller le film, et le film ne fait que dérouler correctement jusque là. Il n'y a jamais rien de surprenant. Après, c'est pas de la mauvaise ouvrage. C'est juste, je trouve, décevant par rapport à certains autres films de Gus Van Sant parmi ses premiers. Tous ceux que tu as cités tout à l'heure, je les aime beaucoup, mais même son tout premier... Malanoche, moi, je trouve ça un film génial. Au niveau de l'attente, moi, j'étais un peu entre vous deux, parce que... Voilà, c'est clair que j'ai plus d'affection pour les films du début que pour ces films expérimentaux, enfin entre guillemets expérimentaux, même si je les aime bien, mais ça me passionne pas trop. Alors, sur celui-ci, c'est un film que je dirais agréable, c'est aussi un film oubliable. Pour moi, c'est clairement un film de rédemption, limite une pub pour les alcooliques anonymes, enfin en tout cas pour promouvoir la méthode des alcooliques anonymes. Enfin, on a vraiment toutes les étapes, etc. Enfin, c'est pas beaucoup plus qu'une rédemption alcoolique, ce film. Mais après, le montage est très éclaté, l'emploi des dessins, il y a pas mal d'artifices, de montage, notamment avec des volets, plusieurs fois avec des volets. Mais de toute façon, c'est ce que je le disais auparavant, je pense que c'est pas du tout un grand formaliste comme on l'a vendu. Oui, et je trouve que le film en est la preuve. Mais je trouve que ceci fait en fait cache-misère d'une histoire qui fondamentalement est très très très linéaire et pas très surprenante. Mais après, ça fonctionne. Le film est relativement agréable à regarder. En effet, il est plutôt bien joué. Enfin, moi, je trouve que Jonah Hill en fait des caisses. Je trouve aussi que Jack Black en fait un peu trop, même si à un moment, dans une scène qu'on ne dévoilera pas ici, il laisse entreapercevoir le potentiel dramatique qu'il a, et à mon avis il est énorme. Jack Black fait du Jack Black, quoi. En tout cas, n'empêche est qu'on voit beaucoup les acteurs jouer. Il y a aussi, on ne dépasse jamais le fait que tiens, c'est Joaquin Phoenix, oh tiens, il fait l'alcoolique, oh tiens, on lui a quand même mis une drôle de perruque, hein. Ah, est-ce que c'est un postiche ou est-ce que ce n'est pas un postiche? Mais après, ça suit de manière agréable. En effet, le personnage principal, enfin Joaquin Phoenix, porte vraiment le film, et je trouve en effet que on n'est jamais dans le pathos, même si je trouve pas le film aussi drôle que toi tu as pu le dire. Et en effet, la virée alcoolique du début, moi je la trouve pas drôle, je la trouve pathétique, et là pour le coup vraiment assez bien senti sur le malaise. Non, le côté pathétique est quelque chose aussi de drôle, quoi, parce que tu te dis, tu sais très bien où ça se dirige. Du fait de la narration éclatée, de toute façon, t'as ce qui se passe au final sur cette scène-là. Et donc, il s'amuse à l'étirer, à jouer la connerie des personnages jusqu'au bout, quoi, tu vois. Bah, je me souviens déjà plus, mais est-ce que le film commence pas en voix off, en plus? Puis c'est un truc qui se perd. Parce que j'ai l'impression qu'il dit, au début, on l'entend dire en voix off que c'était son xème réveil avec une gueule de bois. Non, c'est parce qu'il il intervient en même temps dans une des temporalités sur scène où il raconte son expérience de rédemption. Et donc, c'est vraiment particulier et problématique, hein, cette construction-là dans le film. Je pense qu'à la limite, il aurait peut-être gagné en étant encore plus plus linéaire, donc peut-être plus classique, peut-être moins... Enfin, avec une forme encore moins travaillée, mais moi, j'ai été un peu perdu par, ce, par cette déconstruction temporelle. Tu as un peu de mal à raccrocher les wagons pendant, je pense, les 15-20 premières minutes du film, parce que, effectivement, cette narration éclatée se justifie pas tant que ça, et donc tu as un peu du mal à suivre au début. Ça apporte rien, ça retire même, parce que cette problématique là, ce problème là, tu ne rentres qu'à partir du moment où il est déjà handicapé dans le film, et donc tu perds un peu toute l'accroche que tu peux avoir avec le personnage, enfin l'entrée que tu peux avoir dans le personnage, si je puis dire. Après, je suis assez d'accord avec toi que le décalage du personnage, donc de ce John Callahan, enfin, on va dire anesthésie un peu le côté pathos dans lequel ça aurait pu tomber. Il y a quand même des scènes qui sont assez drôles. Enfin, il y a des scènes qui sont franchement réussies avec lui, notamment une scène où ils réapprennent les rapports intimes après la convalescence, qui est franchement drôle. Super drôle et pas du tout politiquement correct. Dans le climat actuel, quoi. Très bien, je propose qu'on passe maintenant à la partie japonaise de l'émission, qui va durer un certain temps. On va parler d'abord de The Third Murder de Hirokazu Koreeda. Puni, je vais donc présenter le prochain film de Koreeda après la tempête que nous avions chroniqué dans dans une de nos dernières émissions. C'est donc l'histoire d'un employé accusé d'avoir tué son patron. Voilà, j'en sais pas plus parce que j'ai pas vu le film, mais voilà, j'en passe la parole à Olivier qui va en parler mieux que moi. En fait, Lulu, c'est plutôt l'histoire d'un avocat qui doit défendre un employé qui a tué son patron, enfin, qui est accusé d'avoir tué son patron. Et justement, est-il coupable ou n'est-il pas ? Parce que lui se donne d'office comme étant coupable. C'est un suspense qui va grandir tout au long du film, qui va grandir... Mais pas vraiment. Difficilement. Contrairement au film précédent, c'est pas un film très aimable, The Third Murder. C'est plutôt un film assez gris, assez lent, qui a des gros problèmes quand même d'évolution, de tension dramatique et de, comment dire, de serrage de son scénario. En tout cas, le film est assez lâche et ça provoque une sorte de rythme qui est quand même assez ronflant et qui, du coup, provoque aussi des ronflements dans la salle. Après ça, le film est quand même pas dépourvu de qualité. Enfin, je veux dire, c'est Koreeda, c'est un cinéaste. On sent qu'il est inspiré sur certaines scènes, qu'il est beaucoup moins inspiré par d'autres. Ici, le film multiplie les scènes d'interrogatoire, de face à face entre l'avocat et le client, on va dire. Et là, il y a une idée visuelle que le réalisateur travaille et répète, donc sur les reflets sur la vitre qui sépare les deux personnages. C'est un truc qui travaille tout au long de son film, c'est-à-dire que les deux personnages quelque part sont jumeaux. D'ailleurs, ils ont des filles qui ont plus ou moins le même âge. La fille de du troisième personnage, celui qui s'est fait tuer, a aussi plus ou moins le même âge. Et en fait, Koreeda travaille, ce qui l'intéresse, c'est les corrélations entre ces trois personnages et de montrer à quel point qu'il en faut peu, en fait, pour devenir un ouvrier accusé de meurtre, un patron ou un avocat, qu'il en faut peu pour être d'un côté ou de l'autre. Et que finalement, la vérité que l'avocat cherche ne tient vraiment pas à grand-chose. Et d'ailleurs, il va être lui qui, au début, est un peu comme Meursault, l'étranger de Camus, qui s'en fout un peu de la vérité, qui fait juste son job, va être petit à petit gagné par cette quête de la vérité. Et ça, c'est assez beau. Maintenant, le film manque clairement de structuration dans son récit, quoi. Je rejoins tout à fait Olivier dans les problèmes vraiment de rythme du film. Après, c'est vrai, il y a malgré tout des partis pris formels et de mise en scène hyper intéressants. Tu l'as dit, l'évolution de la manière dont il va filmer toutes ces scènes de parloir entre l'avocat et l'accusé, la manière dont progressivement les reflets des personnages vont se superposer, ou même lors d'une des des avant-dernières scènes de parloir où il va les filmer, il va quasiment par un jeu de focale effacer la vitre qui se retrouve entre deux pour quasiment les réunir dans le cadre. Donc il y avait vraiment des parties pris très très intéressants jusque dans la scène vraiment finale où leurs visages finissent par se superposer, avec une sorte de surimpression entre deux qui est très belle et qui est payante dans le symbole qui travaille tout au long du film de ce reflet entre les personnages. Après, je pense qu'il y a aussi intéressant cette notion de vérité dont tu parles. C'est l'intérêt du film, il est plus dans le questionnement de le parcours de cet avocat et de comment le film glisse de ce jeu de dupe, entre guillemets, est-ce qu'il est coupable ou non coupable, sur vraiment le personnage de l'avocat et sur la manière dont il va travailler différents symboles, parce qu'on a parlé du miroir, mais il y a aussi le symbole de la croix qui revient, qui est le symbole de la croix, qui est le lieu où a été tué et brûlé son patron, et qui retrouve un écho dans la fin avec le motif de la croix qui est repris dans les fils électriques à la sortie de la prison, etc. Donc il y a tout un jeu comme ça régulier de symboles qui est assez intéressant. Et puis cette notion de la vérité, c'est aussi une mise en accusation, je pense, tout simplement de la manière dont le système judiciaire japonais fonctionne, où tu vois, tu as carrément une scène. Alors, Koreeda est assez fin, je trouve, dans son utilisation assez symbolique de sa mise en scène et comment il met en relation certaines choses. Après, il a aussi quelquefois le verbe assez lourd pour surexpliciter, quelquefois par le dialogue, ce qu'il montre déjà si bien à l'image. Il y a un moment intéressant dans le film qui est le moment où l'accusé va rebrousser chemin et déclarer son innocence. Et en fait, toute l'accusation ne porte que sur ses aveux. Et donc, il va y avoir une sorte de réunion de crise entre les avocats, le procureur et la partie adverse. Et là, on te laisse comprendre qu'en fait, la décision en est prise, pas d'une recherche de la vérité, mais du bon fonctionnement de la machine judiciaire japonaise, et que, entre guillemets, que les victimes ou les bourreaux, entre guillemets, ce qui est du domaine de la vérité, on s'en intéresse assez peu. Ouais, et puis c'est clairement, en tout cas, une attaque contre le système judiciaire japonais, et où il nous rappelle quand même assez fréquemment que la peine de mort est en jeu, et il démontre à quel point justement ce système n'en tient qu'à un fil, et que de nouveau les avocats, comme tu l'as bien expliqué, avocats, procureurs, enfin les personnels de la justice tient plus à sa réputation et à la procédure que finalement à la vie, de sauver la vie de quelqu'un ou de ne pas la sauver, quoi. Donc les soucis du film ne tiennent que sur le manque de rythme, parce que tout ce que vous dites là, ça donne envie, en fait. Il y a ce souci de manque de rythme, il y a le souci de... t'as plein de scènes qui sont assez longues où t'as juste les gens qui traversent des espaces et ça sert pas grand chose. T'as aussi un moment très étrange où d'un coup il change de point de vue, il va dans le point de vue d'un personnage secondaire pour une scène qui est assez longue, assez décalée. Assez cryptique, justement, parce que tout le film est porté vraiment du point de vue du personnage de l'avocat que tu suis tout le temps. Et il y a un moment, il fait une rupture, où il passe sur un personnage annexe du film. Et la scène, en plus, n'est loin d'être explicite. Et donc, elle rajoute une couche de mystère, mais qui n'est pas nécessaire à ce moment-là du récit, parce que l'aspect thriller juridique, c'est pas vraiment ça, en fait, le film, quoi. C'est pour ça que tu t'attends à une montée de tension sur la culpabilité ou non du personnage, et en fait le film repose pas vraiment sur ça, donc il y a un côté assez déceptif sur certaines attentes que tu peux avoir vis-à-vis du film. Oui, puis même stylistiquement et même au niveau purement du jeu d'acteur, je trouve que cette scène, on a l'impression qu'elle fait pas partie du même film. Enfin, par contre, il y a une scène par exemple qui réussit très très bien au début du film, c'est une scène qui va dépeindre en vraiment très peu de temps et en très peu de plans, et le choix des plans est super inspiré, qui va dépeindre les rapports entre le personnage de l'avocat et sa fille, qui est une scène vraiment très très belle, et d'un coup tchac, on rentre dans le récit et ça rajoute beaucoup sur le personnage sans dire grand chose sur le personnage, sur ce qui va être véhiculé, sur la culpabilité aussi de l'accusé. C'est hyper intéressant, cette scène, elle rentre en résonance dans tout le film, quoi. Très bien. Ah bah non, tu fais la sortie, Lucien, tu es puni jusqu'au bout. Une sortie côté cour ou côté jardin. Ok, on va enchaîner avec le film de Wes Anderson, L'île des chiens ou L'île aux chiens ? L'île aux chiens. L'île aux chiens. Thank you.

やがて悲しきタヌキかな。 Alors, il y a quelques semaines, un grand réalisateur japonais, cofondateur du studio Ghibli, nous quittait. Il s'agit de Isao Takahata. Donc, réalisateur, Lucien ? Réalisateur absolument de... japonais, de Popomko, de, du Tombeau des Lucioles, de La Princesse Kaguya. Voilà, et donc le Tombeau des Lucioles, Popomko et Le Conte de la Princesse Kaguya, nous n'allons pas en parler ce soir, puisque ce sont des films relativement connus, mais on a décidé de convaincre Lucien de se pencher un petit peu plus sur ces lacunes, voilà. On va qui sont grandes. En fait, on pourrait transformer ça même en petit en plaidoyer. En petit concours. À la fin de ce tour de parole, tu vas décider donc, si tu as plus envie de voir Horus, Prince du Soleil, la grosse daube que va te présenter Manu, ou Omoi de Poroporo, le beau film sensible et touchant que va te présenter Olivier. Allez, qui commence ? C'est Manu qui commence puisque Horus, Prince du Soleil, est antérieur à Omoi de Poroporo. Comme il faut un début à tout, on va commencer par Horus, le Prince du Soleil, qui est le premier long métrage d'animation de Takahata, dont la direction artistique revient à Miyazaki. Moi, j'ai même entendu qu'en fait, il était juste simple animateur au début de la production. Mais et voilà. Qu'il était tellement... il travaillait tellement... il était tellement brillant. Il était tellement brillant, il avait tellement d'idées et il travaillait tellement qu'il est vite passé en effet directeur de l'animation. Et puis il y a aussi le fait que c'est quelque chose d'une constante après qu'on va retrouver dans la carrière de Takahata, c'est de demander beaucoup de ses équipes sur ces films-là, parce que Horus au début de la production devait s'étaler sur quelques mois et au final a pris 3 ans. Je pense que la place qu'a eu Miyazaki, elle s'est aussi déployée dans cette manière où Takahata demandait beaucoup de ses équipes. Ça s'est retrouvé sur les Yamada, qui est un des films qui a coûté le plus cher, je crois, du studio Ghibli, même si ça ne l'apparaît pas. Mais c'est des films qui ont posé souvent des challenges assez fous en termes de narration et de techniques déployées. Donc là, Horus, le Prince du Soleil, c'est un film qui a été réalisé en 1968. Donc on est presque 20 ans avant la création du studio Ghibli. Le film, il est réalisé pour la Toei, le département animation de la Toei, la Toei Doga, et qui avait été fondé à l'origine pour un peu concurrencer les productions du studio Tezuka. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, dans Horus, on a des choses qui font le lien entre trois grands noms qu'on pourra dire de l'animation japonaise, que sont Osamu Tezuka, Takahata et Miyazaki, parce que, par exemple, le personnage d'Horus, genre orphelin, on peut le retrouver dans plein de mangas de Tezuka, comme dans la saga Bouddha ou même Phoenix. Mais rien que la scène d'intro porte en germe beaucoup de choses qu'on va voir chez Ghibli, notamment beaucoup chez Miyazaki, paradoxalement, avec une scène de Dorus pourchassant les loups qui n'est pas sans rappeler la scène d'ouverture de Princesse Mononoke. Donc voilà, il y a ce qui est intéressant, c'est vraiment cette manière d'emprunter différents éléments épars à différentes mythologies, pas forcément qui sont proches de la culture japonaise, mais pour le vraiment l'ancrer au final dans une culture très japonaise, quelque chose qu'on va trouver chez Takahata, Miyazaki, Tezuka, mais aussi chez Kurosawa. Takahata qui n'est pas, contrairement à Miyazaki, qui n'est pas dessinateur, qui est avant tout un cinéaste, qui n'est pas quelqu'un qui dessine en tant que tel, il va vraiment utiliser tous les moyens à sa disposition pour ancrer dramatiquement et son récit de manière hyper réaliste. Et ce qui est intéressant, c'est même certains passages qui sont de l'ordre de la convention dans les films d'animation de l'époque et encore aujourd'hui qui sont les passages chantés. Là, il va vraiment l'inscrire dans la narration de son film, dans la manière dont est rythmée la vie du village, à la fois le cérémoniel du mariage, de la pêche, et donc comment il va s'emparer de ces motifs-là pour vraiment détourner tout ce qui est un petit peu code un peu étriqué du film d'animation. Il y a notamment l'utilisation des animaux qui parlent, qu'on retrouve et qui vont symboliser la dualité de certains personnages au lieu d'être juste des sortes de sidekick un peu amusants. Donc voilà, il y a déjà cette volonté de s'emparer d'un carcan et de s'en éloigner et d'émanciper vraiment l'animation du cadre dans lequel il est. Et aussi, ce qui va coûter aussi très cher dans la production de ce film-là et qui va... Le film va être un peu sabordé, la sortie du film va être un peu sabordée par la Toei qui va le sortir pendant une dizaine de jours. À ce moment-là, ça va être un four complet et Takahata va arrêter de bosser pendant plus de 3 ans. C'est que D'un côté, on avait les productions de Tezuka qui sont de l'animation limitée, mais dans sa plus forte expression, hein, ce qui peut ressembler un petit peu à ce qu'on a, ce qu'on voyait dans Astro le petit robot. Oui, ben voilà, dans les séries qui ont bercé notre enfance. Et de l'autre côté, la full animation des américaines, où vraiment les mouvements complètement détaillés. Et là, il va trouver un juste équilibre entre les deux. C'est un film imparfait parce que c'est un premier film et qu'il a pâti de difficultés de production. Mais c'est un film passionnant parce qu'enfin, on y voit tout ce que va être le cinéma japonais de l'animation par la suite, le cinéma japonais en général par la suite, et aussi l'influence énorme que aura peut-être Takahata dans la carrière de Miyazaki, en fait. Très bien. Mais en fait, c'est Oli qui a gagné parce qu'il a parlé d'Astro, le petit robot. On se téléporte un peu plus tard, donc en 1991, quand va sortir Omoide Poroporo, donc Souvenir goutte à goutte traduit en français. Des films Ghibli, c'est un des rares qui ne soit pas sorti en salle en France. Après, il faut savoir, c'est que justement, je t'interromps un petit peu, quand on parle de Ghibli, on parle plutôt de Miyazaki que de Takahata. Une des raisons de ça, c'est que l'animation japonaise expose grosso modo avec le tombeau des Lucioles de Takahata et surtout Princesse Mononoke qui va avoir une distribution à l'international très poussée avec Lasseter qui va faire de la promotion du film, etc. Il y a quand même une grande importance de Lasseter dans la promotion à ce moment-là des films Ghibli. Et puis il va avoir une ressortie salle chaque année, c'est Buena Vista qui avait racheté le catalogue de Ghibli et qu'il sortait régulièrement. Sauf que dans le seul laps de temps, je crois que Miyazaki lui a eu 4 films récents et Takahata en fera deux par la suite. On va découvrir au russe avec 36 ans de décalage. C'est des films qui vont avoir 20, 12, 15, des fois énormément de décalage par rapport au moment où ils vont être exposés en salle. Et donc, je pense que la place que Takahata a pris dans l'inconscient collectif ou dans l'image de Ghibli aussi due à ça, que sa production était beaucoup plus moindre à ce moment-là. Et même la ressortie de ses films n'a pas été distribuée de la même façon que les films de Miyazaki. D'ailleurs, Takahata était la réputation d'être très très lent, et d'ailleurs Miyazaki se foutait un peu de sa gueule là-dessus, mais ça a créé clairement des problèmes au sein du studio Ghibli, notamment quand ils ont lancé Ghibli, ils ont lancé la production simultanée du Tombeau des Lucioles et de Mon Voisin Totoro, et Mon Voisin Totoro va sortir dans les temps, mais en faisant un carton énorme au Japon, et tandis que le Tombeau des Lucioles aura déjà du retard, et Takahata va le sortir dans une forme qu'il estime imparfaite. Omoide Poroporo, c'est le film qui fera donc derrière le Tombeau des Lucioles, c'est aussi un film qui va prendre énormément de retard. Il est adapté d'un manga qui est signé Otaru Okamoto et Yukio Tone. C'est un manga qui raconte en fait en petites vignettes, petites histoires courtes, la vie d'une petite fille de 10 ans à la fin des années 60. Au début, c'est Miyazaki qui voulait l'adapter, mais il ne savait pas par quel bout le prendre. Et finalement, il va en parler à Takahata, qui lui va avoir une idée pour adapter ce manga à l'écran. Et donc, il décide de raconter l'histoire de l'héroïne, qui s'appelle Yukio, mais de l'aborder sous la forme de flashback. C'est-à-dire que le récit principal de Omoide Poroporo, c'est l'histoire de Yukio, qui est au début des années 80, qui a 27 ans, qui n'est pas encore mariée. Elle a la pression familiale à cause de ça, mais elle a un job de secrétaire à la ville. Et elle va passer ses vacances à la campagne. Et à ce moment-là, ça lui rappelle en fait ses souvenirs de quand elle avait une dizaine d'années, donc dans les années 60, et ses souvenirs vont affluer tout au long de son voyage à la campagne d'une manière très très forte. Et donc les deux récits avancent en parallèle. Et c'est un parti pris qui peut sembler relativement classique, mais en fait, dans la forme, les deux récits sont tellement entremêlés que c'est limite au début déstabilisant, quoi. Au début, il y a vraiment énormément de flashbacks très courts, et plus le film avance, plus les flashbacks vont augmenter en durée, et plus les flashbacks vont aussi augmenter en intensité émotionnelle. Ouais. C'est un film qui non seulement joue donc sur ces deux temporalités, mais joue aussi sur deux styles en fait d'animation différents. Autant ce qui se passe dans les années 80 est très détaillé, limite documentaire. Donc cette jeune fille Yukio va à la campagne notamment pour faire la récolte des fleurs de kartam qui sont la base d'une teinture. En fait, la séquence de récolte de ces fleurs, c'est limite, on est dans du cinéma documentaire qui t'expose exactement la méthode de récolte des fleurs, de comment on va sécher le pigment, etc. Un des chocs que j'ai eu dans le film, c'est de se dire à un moment, l'animation peut être beaucoup même plus réaliste qu'un documentaire. Dans la manière dont ces séquences-là sont détaillées, le degré de naturalisme est assez impressionnant dans ces séquences-là. Tout à fait. Et il y a un lever de soleil qui est une prouesse technique parmi plusieurs autres qui sont dans le film. Et oui, donc voilà, autant le style de ce qui se passe dans les années 80 est très très réaliste, autant le style qui se passe dans les années 60 est beaucoup plus pastel au niveau des couleurs. Et ce qui est très beau, c'est que les contours des décors sont pas finis, ou ils sont juste esquissés. C'est comme si, comme on était dans les souvenirs, Yukio se rappelait plus, n'avait plus de souvenirs aussi forts de l'endroit dans lequel ça se passait que des personnages en fait qui l'ont chamboulé quand elle était enfant. Il y a une scène notamment qui est absolument magnifique, très poétique de son premier on va dire émoi amoureux. Et ça, plus le film avance et plus les souvenirs sont en fait des choses qu'on se rend compte qu'elle n'avait pas bien comprises quand elle était enfant et qui vont plutôt dans les profondeurs, on va dire, de l'âme humaine et de la complexité des êtres, et qui sont en fait des choses que, comme elle revisite avec son âge, eh bien elle comprend mieux. Et c'est vraiment, en tout cas dans les derniers souvenirs, c'est vraiment très touchant. Il y a des choses qui sont aussi très dures en fait, la manière dont on peut saisir une parole d'un parent qui parle dans notre dos de nous, des déceptions en fait aussi, il y a pas mal de déceptions dans la vie de cet enfant. Et c'est aussi un film qui s'attaque clairement à la place de la femme dans la société japonaise, comme Takahata le fera aussi dans le conte de la princesse Kaguya, et puis qui oppose aussi bien sûr la vie à la campagne et la vie à la ville, un grand classique de l'animation japonaise, du cinéma japonais de manière générale. Aussi, le film, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des longues scènes de dialogue en fait, dans cette veine réaliste dont on parlait tantôt. Il y a vraiment des longues scènes de dialogue avec un personnage qu'elle rencontre à la campagne. Et comme je disais, on va en savoir plus sur l'âme humaine et ses limites. Enfin, le film s'ouvre sur un générique à la Ozu, hein, sur un tissu. Mais en fait, c'est aussi peut-être le film le plus ozouien, ou en tout cas celui qui, je dirais même bergmanien parfois, en tout cas, qui vraiment va explorer toute la complexité de ces personnages. Et voilà, c'est un film qu'il faut absolument voir. Navré Jack, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Danny m'avait mis en garde contre toi. Il dit que tu as tué Mozart. Moqué ? Oh, Rosebud ! On va parler peut-être de Miloš Forman. On va parler de Miloš Forman, ouais. Quel film de Miloš Forman as-tu à conseiller à nos auditeurs dans les dernières minutes de cette émission ? Amadeus, c'était ma première rencontre avec son cinéma, et je me souviens avoir été en pamoison devant tout le film, particulièrement la dernière demi-heure. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a deux versions disponibles, deux montages disponibles de ce film. Et dans les deux, le montage est brillant prend des directions différentes sur la fin, mais c'est brillamment amené dans les deux cas. Voilà, si je dois en sortir un, c'est celui-là. Maintenant, il y en a énormément d'autres. Et vous ? Ben moi, j'ai pas une grande connaissance de ses débuts, donc ça va être plutôt sur sa carrière américaine. Je vais parler. Ça sera vraiment, pour moi, ces deux grands biopics sur Man on the Moon et Larry Flint. Qui ont été faits à la suite, en plus. Qui ont été faits à la suite avec la même équipe de scénaristes, si je ne me trompe pas. Pour rebondir juste avant sur des digressions sur Amadeus. Amadeus, moi, c'était le film qui était programmé généralement, qu'on se tapait en classe à l'époque, par extrait, etc. Il y avait un aspect limite film académique quand tu le voyais sous cette forme-là. Et en fait, je trouve c'est pas du tout rendre hommage au cinéma de format à ce niveau-là. C'est cette manière d'à la fois de dresser le portrait de grands personnages, mais sans tomber dans de la géographie, avec un sens de la caricature, mais d'où sa mère dessus, qui était vraiment un trait de son cinéma, et que voilà, je trouve qui est passionnant dans un personnage aussi fantasque et compliqué que Larry Flynn, que celui d'Andy Kaufman. Et voilà, c'est en tout cas un regard de cinéaste qui manque. Bah pour moi, je pense que vous le savez, mais Vol au-dessus d'un nid de coucou est sans doute un de mes films favoris. Je pense que ce film est absolument merveilleux de bout en bout et la fin tire des larmes à n'importe qui a un cœur dans ce monde. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, Taking Off, son premier film américain, est aussi super bon. C'est un regard tchèque sur la société hippie, enfin sur l'avènement hippie, juste après l'avènement hippie. Donc c'est vraiment assez frais, assez neuf. Et puis, finalement, alors que les enfants fuguent et se réunissent tous ensemble pour parler du flower power, finalement, ce sont les parents qui sont les plus à plaindre et qui sont les plus malades, on va dire. Et qui finissent tous dans une orgie sous THC qui est assez superbe à voir. Voilà. Sous THC. Bon, sur ces bonnes paroles, on va prendre du THC et on va vous dire au revoir. Vous pouvez revoir les films de Takahata et de Miloš Forman et de Taviani aussi, et vous nous en parlerez comme ça dans vos commentaires et vous direz pourquoi est-ce qu'on rate vraiment quelque chose de super. Voilà, et on se retrouve d'ici un mois pour parler, entre autres, sans doute, du film de Stéphane Brisé, du film d'Asghar Farhadi. On verra bien ce que ça donne. Allez, à plus tard. Ciao.